بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، قد أخذنا بعض الضمائر أمس مع الفعل. طيب عندك يا محمد بارك الله فيك، إذا أردت أن تخبرني أنك قد ذهبت، tu veux nous informer que tu es parti, tu diras؟ أنا ذهبت. أنا ذهبت. طيب. Anna d'Abto. Est-ce que tu veux nous informer qu'un frère est parti? Si tu parles à un frère, tu lui dis Anta. Anta d'Abta. Anta d'Abta. Si c'est à une sœur. Anti d'Abti. Si tu informes sur une sœur. Elle est partie. Hiya d'Abat. Hiya d'Abat. Si tu parles à un groupe de frères. Antum Dahatum, si c'est un groupe de frères qui sont partis. Un groupe de frères qui sont partis, tu nous informes. Hum Dahabu. Hum Dahabu Ahsant. Si tu dis un groupe de sœurs, Antunna. Dahatunna. Si tu informes sur un groupe de sœurs. Dahabat. Hunna, Dahabna. Taïb. Si tu dis que nous sommes partis, tu diras. D'Abna, Nahmoud d'Abna, très bien. Et si c'est des sœurs? Qui disent qu'elles sont parties? Nahmoud d'Abna, très bien. Si c'est une sœur qui dit qu'elle est partie? Anna d'Abna, alhamdulillah, taïb. Après hier, on a pris le dars par rapport au Damaïr. Araïta hamidan, na'am ra'aytuhu. Taïb, hada ra'ayb, mufrad, mudakar. Si c'est un groupe de frères, hala ra'ayta l'ikhwa, tu me diras. Tu n'as pas compris avec elle. Hara aïta l'ikhwa. Naam, ra aïtuhum. Taïb. Si je te dis. Ara aïta Zainab, tu diras. Naam, ra aïtuha. Naam, ra aïtuha. Ara aïta Zainab, Amina wa Su'a, tu diras. Naam, ra aïtuhum. Très bien. Taïb. Le profit de ramener des amaïa, pourquoi? Pour raccourcir la phrase. Il dit ça, kinaya an, c'est l'équivalent. Au lieu de dire na'am ra'aytu hamidan, quand c'était un, ou na'am ra'aytu, alaykum salam, hamid wa umar il akhir, ra'aytuhum il akhir. Mais vous m'avez dit? Hada wa fa'idat al-zamahir. En ce qui concerne le dars sur les dhamair, les pronoms, bidnillah, dans le livre numéro 3, il y a un dars très très bien. Mais pour enlever un iskal, on a parlé un petit peu hier des dhamair. Après, on a posé la question, par exemple, à whom ra'aytuhum, aw ra'aytuhu. Ici, ils ont une place de quoi? De maf'ul bi. Et on verra que certains dhamair, ils peuvent être marfou, mansoub, aw majrour. Vous comprenez ça? Par exemple, tu vas dire ra'aytuhu. أو ذهبت هنا مرفوع طيب رأيت هنا منصوب طيب كتابه هنا يقول كتابه إلى مرفوع الخارجي إلى مجرور طيب كتابه زي كمبينا ونفي كوا trois ضمائر مرفوع منصوب ومجرور طيب وهذا هو المتصل المتصل c'est-à-dire les pronoms accrochés طيب. En français, je ne sais pas trop comment on dit, mais pour moi, pour vous faciliter la chose, al-mutasil ma'ana qui sont joints. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le damir qu'on vient de voir, tu ne peux pas dire barakallahu fik, ra'itu plus loin, hu. Ou l'aks. Ils disent, damir al-mutasil, la yubda bi il kalam, wa la yaqa bab illa. Tu ne dis pas par exemple, hu ra'itu. Mais faut m'hada, ou ra'itu hu. Un autre exemple, darabtuka, damir huna al-kaf mawa. منصوب وهو ضمير متصل ما يمكن أن تقول ضربت plus loin ك أو تقول ك ضربت هذا معنى متصل. J'ai compris. J'ai peur qu'il y ait que certains ont compris quoi que les damaires qu'on voit ils seront toujours مفعول به. Il y a des damaires ils seront مرفوع منصوب et مجرور المتصل. Et on verra que le منفصل سيكون مرفوع et منصوب. مثل ماذا المنفصل؟ Pour t'aider, Al-Damir Mufazil, il dit ماذا هو الذي يبدأ به الكلام ويقع بعد إلا. C'est-à-dire, tu peux commencer. Houa, taïb, il y a ça également. Mais tu dis, Ana, Ana Muslim, ma raïtu illa anta. Mais faut m'aider. C'est compris ça? Au iyaka. On a mon facil. Et ça, je vous ai dit, c'est un dar speed. Là, on verra bien dans le 3. Du coup, madame, là, tout le monde a compris là? Hein? Ça veut dire quoi? Kitabuhu. Kitabu. Par exemple, quand tu dis hada, kitabuhu, nous, on parle de Zayd. Ou ici, on va dire quoi? Comme raïtuhu? Azman. Qu'est-ce que j'ai dit? Regarde le frère. Ah, je vais pas faire exprès, c'est bon. Si je dis ra'aytuhu et kitabuhu, c'est deux mêmes vamir au niveau de la prononciation, c'est vrai ou non? Mais est-ce qu'ils ont la même place? Bilal? Ra'aytuhu, il est mansoub. Il est maf'oul bi. Si kad hada kitabuhu, Azman, on dira? Bah, on a dit où? T'es pas avec nous ou quoi? Ouais, je pensais. Hein? Je pensais, je pensais. Taïb, faut pas trop penser. Tout le monde pense. Taïb, il n'y a pas un humain qui ne pense pas sur la terre. Allah est vérifié. Mais là, quand je te dis Barakallahu fik, parce qu'il y a un point, on en a parlé tout à l'heure, de peur que certains ont compris que les damirs qui sont là, ils sont toujours Mef'ulbi. Où, ça y est, si tu vois Mef'ulbi là. Si je te dis là, par exemple, Barabtuhu. Le damir ici, il est quoi? Mef'ulbi. Kitabuhu. Ça y est, c'est le même son. Il est mesuré, par il est quoi? Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? T'as compris ça? En tout cas, mais tout le monde comprend là, Inch'Allah. Tous ceux qui. Ayman, Wahbi, c'est bon là? Tout le monde a compris? Et celui qui veut nous précéder, il regarde dans le livre numéro 3. C'est un tafsir. C'est pas difficile. Le chapitre, Damair Raf, An-Nash, Wal-Jar. Allah ybarik fik. Après, il y avait une question, j'ai posé la question au frère Abou Bilal, hafidhallah. Quand vous m'avez demandé, souvenez-vous, je ne sais pas, c'est quel frère qui m'avait déjà là. Comment? La question par rapport au duel. Non, ça j'ai oublié. Moi, c'était plutôt pourquoi? C'était le dernier exercice de la leçon 5. Quand vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut dire Dakhala tullabu wa jalasu fil fas? Vous vous souvenez? Moi je vous avais dit quoi? Le mieux c'est de rester comme ça. Je lui ai demandé, il a dit Hadawa al-As. Dakhala tullabu al-Fasla wa jalasu. Parce que l'exercice ça demande quoi? Al-Muf'ul bi. Et il y a certains verbes ici, vous n'avez pas encore étudié, barakallahu fikoum. Certains yata'adda bil-haf al-jar. Par exemple, tu dis jalastu fil-fas. Et ça on le verra dans le 3. Certains verbes ils n'ont pas besoin d'un haf-jar pour faire effet derrière. Vous avez compris? C'est pas tout verbe que tu vas utiliser avec le salam. Que derrière tu mets un mansoub à la case. Et ça on le verra, Inch'Allah. Ça y est? Ça y est, bismillah. On s'est arrêté où alors? Non. Ama faim tadar si ya Mohamed. Hak ams. Naam. Bala. Bala. Non, la ams batin kama. Bala, faim tuhu. Ahsan, barakallahu fiik. C'est grandi ça. Iqra al-mithalayn thumma irbid bayna kulli min al-jumlatayn musta'min anna wa'lam anna min akhawat inna. طيب. C'est dire quoi ça? معناها c'est de la même famille. طيب. Inna madha qulna tansab al-ism wa tarfa' al-khabar wa tufid madha qulna harf an-nasb wa at-tawkid. Anna, c'est la même chose. Harf, nas, wa tawkid, wa lakin, nazid, mada, anna, mazdariya. Et le mazdar, ça, Inch'Allah, on le verra dans le 3, car c'est un peu délicat pour certains frères. C'est à part ceux qui l'ont étudié. Mais sinon, au niveau du travail, c'est un harf, également, nas, tawkid, wa lakin, al-mazdar. Al-mazdar, c'est-à-dire quoi? Ce qui viendra après, il le rendra quoi? Au mazdar. Je vous donnerai juste un exemple. Celui qui n'a pas compris, il n'y a pas de mal. Par exemple, si je vous dis, Avonu Zaydan Qa'iman, par exemple. Avonu Qiyam Zaydin. Ou Danantuka Qa'iman. Danantuka, par exemple, le Qiyama, tu lui mets quoi après le Mazdar? Qiyam. comme on avait dit, par exemple, Dakhala, Dukhul, Nazala, Nuzul. Et ça, Inch'Allah, on verra plus en détail dans le 3. Taïb. Mais sinon, tout le monde a compris au niveau du travail de Anna. Harf, Nasb, Tawkid, wa Masdar. Taïb. Après, on va dire l'exemple. Huwa maridun, avonnu annahu marid. Al-mudarrisu ma ja'a, avonnu anna al-mudarrisa ma ja'a. Taïb. On avait dit quoi également? Que Inna. يدخل على اسم الظاهر وايضا على ماذا على الضمائر ان également طيب والفرق بين ان وان قلنا ان ان ماذا يبدا بدايه الكلام c'est-à-dire tu peux commencer à parler avec اما ان لا لا بد يسبق في بشيء tu dis pas par exemple انه مريض هكذا ان زيدان مريض tu comprends ça tu dis pas comme ان زيدان مريض مفهوم هذا خطا لو تقول انت الان ان زيدان مريض هذه الجملة خطأ هكذا. فعلاً كي تقول أظن أن زيدان مريض. مفهوم؟ إذا تفهم ضمير أين زيدان أظن أنه مريض. مفهوم هذا؟ طيب. Et le verbe ظن ici بارك الله فيكم. La traduction c'est croire, penser. طيب. Comment? Non, non, il y a plein. Il y a plein, Allah Shabbat. Oui. Quand on a un doute, quand on dit un dhanna. Là, je vais vous l'expliquer, Inch'Allah. Dhanna, ça veut dire quoi, barakallahu fikoum? Déjà, croire, penser. Vous voyez? Et après, c'est un verbe, ça, il a besoin de quoi? C'est deux mef'ulbi. Vous voyez? Ça, c'est juste pour que vous compreniez. Dhanna, yansoub, mef'ulayn. Vous voyez? Ça, il y a des verbes, on verra. Là, je lui dis le travail des Anna, mais on va pas rentrer en détail. Vous voyez? Parce que ça, c'est dans le 3, bismillah. Enfin, moi, je pense, Allah alim, je n'ai pas un exercice à donner dès maintenant dans le 2. Wallahu alim. Vous voyez? Zanna, par exemple, à la base, tu dis Zanantu Zaydan Qa'iman. Le fond, c'est là? Zaydun Mubtada à la base. Qa'imun Mubtada. Khabar. Le fond, quand tu as dit Zanantu Zaydan Qa'iman, tu dis Mif'ul. زيدا مفعول الأول وقائما مفعول الثاني طيب مشان نرى إن شاء الله dans le 3 طيب tout le monde a compris ça sinon dhanna il a besoin de quoi de deux مفعول à la base طيب alors sinon le sens de dhanna on a dit quoi penser croire طيب alors toi quand tu diras par exemple avonnu annahu il me semble que طيب si vous voulez écrire la traduction ça vous permettra de bien savoir ce que vous dites طيب أين زيدون؟ أظن أنه مريض. Il me semble qu'il est malade. Ou je pense qu'il est malade. Parce que le but de l'exercice ici c'est quoi? C'est Vanna ou c'est Anna? Anna. Mais je vous explique un peu Vanna pour que vous compreniez comment l'utiliser. Vous voyez? Car si vous avez compris Anna, vous avez compris Anna. Vous voyez? Et Vanna, je vous ai traduit, c'est-à-dire semble, penser, croire. Et c'est un verbe qui a besoin de quoi? De deux muf'ulbi. Taïb? Alors là, quand on a anta tabibun, on dira quoi? Avonnu annaka tabibun. Mufhum hada? Taïb. Qui veut faire la phrase? Alors on a huwa min al-yaban, andek? Avonnu annahu min al-yaban. Très bien. Avonnu annahu min al-yaban. Taïb? Après, j'ai posé la question au frère Abu Bilal, parce que moi j'avais un ishkel. C'est que anna yufi de tawkid. Vous comprenez ça? Et dhanna, il a un sens de quoi? Rojhan, c'est-à-dire la possibilité, croire, mais plutôt du côté positif. Vous me suivez là ou non? C'est comme s'il y avait quoi? Comme une sorte de contradiction. Là d'un côté on pense, et anna on a dit tout fit tawkid. C'est-à-dire quoi? En quelque sorte il m'a dit, anna, c'est-à-dire quoi? Il certifie quoi? Ton doute, qui est du côté plus positif. Me faut mal là? Pour pas que si parmi vous, alhamdoulilah, s'il y en avait un qui avait pensé à ça, j'ai préféré poser la question, tu vois. Moi, ça m'arrive quand je prépare comme ça, j'avais cette question en tête, et j'ai préféré avoir la réponse. Vous avez compris ça, là? Un lishkel, là? Qui a compris? C'est quoi, ça aurait pu être quoi, le problème, Kamel? Ça aurait pu être qu'avec Avonnu, on a un petit doute. Avonnu, c'est-à-dire, par exemple, tu dis Avonnu Zayd Marid. C'est pas sûr, en fait. C'est plus vers la possibilité. Voilà. Et le fait qu'on ait dit que Anna, c'est le même sens que Inna, c'est-à-dire la confirmation. Comment d'un côté on est plus sûr et d'un côté on certifie. Me faut ma hala? Hala. Me faut ma hala? Non. Comment ça se dit en arabe? Est-ce que tu peux me dire le nom de... Qu'est-ce que c'est de Allah en arabe. Après, je vois la Rouhan. Moi, c'est juste pour vous parler un petit peu comme ça. C'est pas le plus important. Oui. Non. Après, la fin, t'as vu? Par exemple, t'as vu quand tu as dit Abonou Anna. Tu vas dire Abonou Anne. Ou Hamadan. Pas Anna, Anna. Ouais, Anna. Si tu dis juste Anne, c'est autre chose. Ouais, Anna. Ça veut dire que c'est Anna qui a pris le dessus. Elle a pris le dessus. Par exemple, quand t'as dit là, Al-Mudarrisu Maja Al-Yum. طيب أظن أن المدرسة ما جاء المدرسة هنا اللي منصوبة كوز دو كوا دو أن سي أن كي في الكوفاي لا مي سون لي دامير سون دامير فوالا يعني باغ اكزومبل أظن أن محمدا مريض كوم سا إي نعم باسكو أون أدي كو أن في الميم ترافاي كو كي باكو إن إي إن اللي فو كوا اللي فو إيش مي كوا يا مفعول يا مفعول يا خبر نعم تجي كوا أظن أن زيدا مريض إن زيدا مريض لا تقول أظن إن زيدا هذا خطأ زي كومبري إن et أن ils ont le même travail le même sens la seule différence c'est que أن tout ce qui viendra après أن ça le rend au مصدر زي كومبري ça veut dire là quand t'as dit أظن أنه مريض tu diras quoi أن حرف نصب وتوكيد والضمير اسم ماذا اسم أن ومريض خبر أن طيب et toute cette phrase là c'est quoi ça a remplacé les deux mef'oul que Dhanna avait besoin. Et ça, Inch'Allah, vous le verrez plus tard. Mais faut m'aider, parce que Dhanna, on a dit quoi? Ça avait besoin de quoi? De deux mef'oul. Moi, je vous donne un exemple de base. Dhanantu Zaydan Qa'iman. Dhanantu Zaydan Maridan. Vous avez compris ça? Voilà. Vous c'est dommage qu'il ait mis cet exercice-là, c'est un peu compliqué. T'as Alhamdulillah, vous avez tous compris. Tout le monde a compris, Inch'Allah, là? طيب مستعرته هو من اليابان بسم الله عبد الحميد زكي زكي يعني تفضل هو من اليابان تجرى أظن إنه من اليابان أنه من اليابان نعم أنه طيب attention les frères إن en début de phrase أو بعد قال قال إنه مريض le form ça on va le voir bientôt dans le deux mais أن c'est après des autres verbes le form إن en début de phrase أن après des verbes, sauf qala. Qala, tu peux dire qala innahu marid. Taïb, Inch'Allah. Barakallahu fik. Ça dit quoi? Avonnu annahu min al-Yaban. Au suivant. Avonnu annaha maridatun. Naam, hiya maridatun. Avonnu annaha maridatun. Avonnu annahum tullabun. Très bien. Anti, jawa. Anti. جوعة أظن أنك جوعة وشفا المكتبة مفتوحة ربيت المكتبة مفتوحة نعم وديبيت هذه المكتبات نعم. المكتبة مفتوحة نعم أظن أن المكتبة مفتوحة فبي أظن أن المكتبة مفتوحة القهوة باردة أظن أن القهوة باردة نعم لا سي بيان اظن ان القهوه بارده نعم كومون ريبيت كي انها اظن انها مفتوحه لا سوف مفتوحه نعم باسكو اون ادي كوا il faut deux مفعول si toi tu mets pas le anna par exemple si je te dis بارك الله فيك المكتبه مفتوحه Si tu dis avant nous, Anna al-Maktabata maftouhatun, al-Maktaba yakul mada, ism, Anna. Walakin idha anta taqul, avonnuha maftouhatan, ni mada, liyanu kunna mada, tansab, maf'ulayn. Vous avez compris là? Voilà. Au suivant. Muhammadun dhahaba ila Mecca. Avonnu anna Muhammadan dhahaba ila Mecca. Naam, très bien. Avonnu anna Muhammadan dhahaba ila Mecca. فاطمة في المكتبة كمان أظن أن فاطمة في المكتبة نعم تخفف لتاع تخفف من الجوفاز جيمني فاطمة الطاء نعم الله يبارك فيك طيب أنتم مدرسون أظن أنكم مدرسون أظن أنكم مدرسون. نعم. Très bien, machin. Tout le monde a compris, Inch'Allah, ce dars. Othman, Danna, il lui faut quoi? Hada wal as. Vous voyez, on verra ça dans le 3. Il a quel sens? Il y a la traduction, ce serait? Danna? Ouais. Je pense que. Ouais, pense que. T'as vu? Si on dit Danna an, Avonnu annahu, je vais vous donner la traduction, c'était quoi? Il me semble que. T'as vu? Anna, quel travail il fait, on a dit? Il va prendre. Il va rendre. Et après parti au marqabar, t'as laissé le moubtada. Non, parce que le is, ça va être un damir. Et après le damir, il a une place, même dans les arabes. Oui, il serait un is. Un ism inna. Révise bien, taïb. C'est anna, yansab el ism, yarfa al khabar. Ah, bah ouais, allez dire. Taïb, comme inna. Ici, il y a. Abdelkarim, comme on a dit que Zanna, il avait besoin de deux mef'ouls. Dans cette phrase-là, quand je t'ai dit, avons-nous anna ou marid, où sont les deux mef'ouls? Tiens, toujours, je vais pas être avec toi, c'est pas normal. Ah ouais. Ouais, je t'ai du mal à comprendre, alhamdoulilah, je vais répéter trois fois. Avons-nous anna ou marid. On a dit que Zanna, il a besoin de deux mef'ouls B. Vous voyez, mais moi tout à l'heure pour vous aider, c'est pas que j'ai dit ça pour qu'on aille plus vite, c'est surtout pour cas où si alhamdoulilah parmi vous il y en a qui comprennent vite, et j'aurais dit les deux mef'oul. Alors j'ai dit ils sont là les deux mef'oul. Quand j'ai dit avons-nous anna ou marid, juste les amis, c'est tout ça, mu'awwal, c'est à dire tout ça, ça a pris la place des deux mef'oul, pas que le damir. Vous voyez. Hey, grand 11, Iqra ma yali. Tu m'as pas demandé? J'ai dit tout à l'heure. C'est même toi qui m'as demandé. Qui peut me dire ce que j'ai dit à Daoud? Marida, non. Mais sur une phrase que lui-même a fait. Manantou, Adonnu al-Maktabata maftouhatan. Rappel? Allah ybarik fik Daoud. Iqra ma yali. Ce dars là on l'a déjà vu, hein. Qu'est-ce qu'on avait dit? La chose comptée ici, de 11 à 99, hein, Abdelhamid? La chose comptée, ce sera Mufrad Mansoub. Inch'Allah. Et on avait dit quoi également? Que le 11 et le 12, tout était conforme. Mais à partir de 13 à 19, il y avait quoi on a dit? C'est l'inverse de la chose comptée. Non, l'unité, c'est l'inverse de la chose comptée. Et que la dizaine, ça correspond à quoi? À la chose comptée. Mais Fumada, Inch'Allah, on répète encore une fois. On a dit quoi, Barakallahu Fikoum? De 11 à 99, Al-Ma'doud, la chose comptée, c'est quoi? Mufrad Mansoub. Et on a dit le chiffre 11 et 12, c'est quoi? La conformité. C'est-à-dire, si c'est du féminin, tout sera féminin. C'est compris ça? Et après, on a dit quoi, Barakallahu Fikoum? De 13 à 19, qu'est-ce qu'il y avait? Que l'unité était l'inverse de la chose comptée, et que la dizaine était quoi? Ça correspondait à la chose comptée. Inch'Allah, tout le monde a compris ça? Taïb. Il y a juste à lire alors. Bismillah. Ça s'arrête où? C'est Kamal, hein? Faddala. Très bien. Lisez par ordre, hein, les frères. 12 après. Abraout. Itnata Asharata Talibatan. Très bien. Ça tombe. ثمانية عشرة طالبتان شو؟ يعني لا ليس ديجا تديج نف تسعة عشرة طالبتان تسعة تدي؟ أو تسعة تسعة بيا بيا تسعة عشرة طالبتان نعم تسعة عشرة طالبتان عشرون طالبتان نعم اقرأ ما يلي ثم اكتب مع كتابة الأرقام الواردة في بالحروف Lise qui suit, taïb, ce maktoub vous écrivez ma kitabat al-arqam, en écrivant les chiffres mentionnés, al-warida, hada ma'ana, al-warida si vous voulez écrire, c'est-à-dire mentionné, fi bil-huruf. كم سنك سني بسم الله 19 3 نعم je vous laisse lire بسم الله فرقنا فرقنا اربع شو بيان فتي اربع في صفحة قرأت أربعة قرأت 14 صفحة من هذا الكتاب من هذا الكتاب نعم 14 صفحة من هذا الكتاب وسيفون في هذه الحافلة في هذه الحافلة في تو هذه après ألف ولا ما c'est la même chose imagine toi t'enlèves هذه tu fais vers où tu fais là tu dis في الحافلة في هذه c'est la même chose dans deux dans les deux في هذه الحافلات فالحافلات لا تفي ان بلوريال حافلات حافلات t'as compris والحافلات في البلوريال فيمينا بارك الله فيك ثمني ثمني regarde là la chose que toi avant de parler à Kamel tu regardes qu'est-ce que tu vas compter et ça va t'aider après est-ce que c'est du masculin ou du féminin ce que tu comptes du masculin voilà tu vois لا ثمانية ثلاثة جرا عشرة لا سيكوا رياض لا لا tout ce qu'on vient de finir c'est quoi بارك الله فيك la chose comptée c'est quoi du féminin non c'est la chose qu'on vient de finir l'exercice là c'est du féminin et on a dit que l'unité sera quoi masculin t'as compris voilà et toi t'es en train de compter du masculin c'est à dire l'unité sera féminin ثمانية نعم ثمانية عشرة ثمانية عشرة عشرة عشرة راكبا راكبا وخلف وخلفهم خمسة خمسة عشرة خمسة خمسة عشرة ت خمسة عشرة راكبة راكبة راكبة Ça, il n'y a pas de problème. T'as compris ? Non, non. Toi, tu regardes la chose que tu comptes, Kamel. Si c'est du féminin, l'unité, c'est l'inverse. Ah, bah ouais. Et après, la dizaine, ça correspond à la chose que tu comptes. Mais faut, madame ? Non. Ok, Allah Hafiz. On s'y va ? Hada Fundukun Sarirun. Hada Fundukun Sarirun, très bien. Itnata Ashrata Ghurfatan Faqat. Très bien. Itnata Ashrata Ghurfatan Faqat. La phrase, toutes les phrases, il y a quelque chose qui ne va pas, vous me dites, hein, on traduit le chama. Itnata Asharata. C'est 12. On a dit quoi ? Ça correspond à tout. Comment ? Voilà, c'est bon. Le suivant. Othmanu, lahu, ahada ashara, ahada ashara, ibnan. Ibnan, naam. Ibnan. Wa itnata ashara, dintan. Très bien, بارك الله فيك. أنا حفظت 13 سورة. 13 سورة. وسيبا. هذا المستشفى 19 آه، سيدي ما شاء الله. طبيبا. طبيبا. طبيبا. وعلى سيدي. و C'est bien, regarde, à partir du moment où tu as trouvé la, l'unité, le reste, c'est la, ça correspond à la chose comptée. Le plus dur, c'est de trouver quoi ? L'unité. Parce qu'après, tu fais quoi ? Tu quoi ? Ça va correspondre à la chose comptée. Mais bon, Inch'Allah ? Vas-y, répète, c'est bien. Si y a un moustachva, ouais, comme ça, ça te permet. سبعة عشرة طبيبة السيفون قرأنا اليوم اليوم اليوم ثمانية عشرة كلمة جديدة très bien قرأنا اليوم ثمانية عشرة كلمة جديدة هذا القلم بأربعة عشرة ربيعة ربيع نعم في هذه العمارة ستة عشر شقة شقة تجيغ ابارتمون طيب شو في هذا في هذا الفصل فصل في هذا الفصل في هذا الفصل عشرون طالبة نعم اكتب الاعداد طيب بيبدي دو 11 الى 20 واجعل كل من الكلمات الاتيه تمييزا لها كتاب شيء سي كوا طالبة طالبة دقيقة سيديغا مينوت يوم جور سيارة كنسي واتور رجل سنة قرية فيلاج طالبون إن شاء الله دماج دمان غاشك فراد من متسا دونك واد دون فرازة سابوش بوش فاشيسي كوا عن شيف طيب 14 اقرأ المثال ثم املى الفراغ فيما يلي على غراره طيب demande de quoi de lire les exemples puis imla c'est-à-dire remplis les vides c'est-à-dire fima yali ala ghirarihi hamidun jaw'anu jaw'anu pourquoi il n'y a pas de tanwin ici à Wahbi on n'a pas dit par exemple hamidun qa'imun on dit mamnou' min as-sarf ahsant ma wa sabab c'est quoi la cause qu'il est mamnou' min as-sarf pas trouver inchallah. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase déjà? Très bien. C'est-à-dire Jawa'an c'est quoi? Il est affamé. Et après? Là c'est bien comme tu as dit. Là c'est pas une question quand tu dis Sifa, c'est pas forcément parce qu'il a adjectif. Si tu viens même en Nassaf, il m'a l'alamia, il m'a al-wasfiya. Ici il y a quoi? Al-wasfiya. Mais il reste quelque chose. Non, Rasman? Là. Kamal? Je finis par Alif Wannoun. Alif Wannoun. Ah, ça. Vous avez compris là? Vous vous souvenez de ça? Alors, Sfiya, et ça finit à Alif wa Noun. Ça va, Inch'Allah? Barakallahu fik. Après, on dit le féminin, le pluriel, At-Tolabu Jia'un. Maryamu Jawa'a, c'est le féminin. At-Talibatu Jia'un. Il peut s'avérer que le pluriel, c'est-à-dire le pluriel, c'est-à-dire d'une description, est le même. Que le masculin, c'est-à-dire que pour le féminin, il correspond au même pour le masculin. Le fou ma'ada Barakallahu fikoum. C'est-à-dire là, jawa'a ou jawa'an, c'est affamé. C'est-à-dire, khalidun atchanu, c'est quoi? Assoiffé. Ça quitte le fer là. On s'arrête où? Fadda mère. À voix haute. Hein? Tu nous fais au pluriel, tu prends l'exemple hein, de jia'un. Ouais. Khalidun Jawa'un. Ah, ça on l'a fait, Inch'Allah. Pourquoi c'est effacé? Mais les frères, c'est pas effacé, c'est effacé, c'est à nous de le faire, c'est un exercice. Mais tout le monde s'est effacé. Quand tu vas, même à Médine, il est effacé de lire là. Hein, ouais. Allah m'a dit. Allah. Hein? Ah ouais, c'est la même chose. Ah mais ça c'est ça Allah. Il est effacé. Tout le livre il est effacé, m'a dit. Voilà. Allah Fadak, regarde, qu'est-ce qu'il faut faire? L'exercice, il nous a donné quatre exemples. Hamidun Jawa'an, tu me suis là? Ça c'est quoi? C'est quand tu veux donner, c'est-à-dire la description. Sinon là il est khabar. Mais fond. Jawa'an, il est même un nasar. Si tu veux dire que Maryam elle est affamée, c'est-à-dire à la fin, tu diras quoi? Tu dis pas Maryam ou Jawa'anu, Jawa'a. Mais faut mal. Par exemple, toi, si t'as une petite fille, tu dis Al-Bunt Jawa'a. Ah, kada. T'as pris un mot là, tu diras plus Al-Bunt Jawa'anu. Là, t'as quoi le hal? C'est féminin. Ouais, non, c'est féminin. Vous voyez, féminin singulier. At-Tolabu, tu diras quoi? Jia'un. Mais faut mal. Et si c'est du féminin, c'est la même chose. Mais faut mal. Voilà. Donc, rien. C'est écrit. Le pluriel féminin et le pluriel masculin, pour dire quelqu'un d'affamé, tu vas tuer, ce sera la même forme, sous le même pesé. T'as compris là? Maintenant, on rentre dans l'exercice, c'est quoi? Khalidun Atchanu. Tu nous dis par exemple, en dessous, tu nous fais comme Maryam. Si tu nous dis que Maryam a la soif, tu diras quoi? Regarde Maryam, comment il est écrit. Tu lui mets la même chose. Atcha, là Atcha. C'est pas difficile, hein? Eh ouais? Arrête, voilà. Allah. Non. Vas-y, Daoud. Après, tu fais le pluriel. Tu dis At-Tolabu. At-Tolabu. Regardez les frères, Allah ybarik fikoum. Travaillez avec le pesé que vous avez là. Vous comprenez là ce que je dis? Un exemple. Comment on dit des mosquées? Masajid. C'est vrai ou non? Qui connaît un autre mot que comme masajid sous cette forme-là? Malade. Malade. Ah voilà, regarde, tu l'as dit. Pourquoi tu n'arrives pas à dire comme ça là? J-A-R-O-N. T'as compris là? C'est-à-dire, il t'a donné un pesé. T'as compris ça, Mahdi? Ça, c'est un pesé. Alors là, Daoud, il fallait dire quoi? At-tullabu itashun. Mais faut regarder quoi? Là-bas, t'as prolongé la deuxième lettre. Taïb. Taïb. Et si c'est au féminin, on dira quoi? Après, déjà. At-talibatu itashun. La même chose. Taïb. Ibrahim Shab'anu. C'est-à-dire quoi, Shab'an, ya Rassazi? Les frères, concentrez-vous là, ça fait un peu de bruit là. Ça y est ? On dira Amina par exemple ou Myriam ? Shaba. Shaba, Hassan, barakallahu fik. Vous suivez, Inch'Allah ? Ça y est. A toi, Wahbi, à ton labo, tu diras ? Là, on est dans Shaba'anu. Le frère Imen, il a bien répondu, il a dit par exemple Myriam, Shaba. Nous, on veut la même chose au pluriel, tu diras ? C'est bien, Tullabu. Là, non, parce que regarde, vous, il ne faut pas après, quand tu regardes, j'y ai là, après le Chine, il y a quoi comme lettre? Ba. Voilà. Shiba'u. Shiba'u. Shiba'u. Vous avez compris là, les frères? Shiba'u. Shiba'u. Taïb, c'est pas même dans le sens. Non. Voilà, comme ça. Pas toujours, moi je dis pas toujours. Voilà, cet exemple-là, il est comme ça. Allah ibarik fik. Parce que celui qui dit toujours, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire Allah mabarik, il a l'arabe dans la tête. T'as compris ça? Voilà, même le frère qui est dans le cours ici, il te dira toujours la boude d'imam. C'est pas nous qui pourrons te dire, ouais, par exemple, le frère il me demande, est-ce que toujours, par exemple, pour décrire le féminin, ce sera toujours la forme de Jawa'a, ou Acha. Vous avez compris? Vous comprenez ou non là? Ça, il faut un imam. Quelqu'un qui la langue est rare dans la tête, il a lu. C'est Sahaba, radhi Allah anhum. Tabi'un. Taïb. Voyak. On s'est arrêté où là? At-talibatu. Shiba'u. Shiba'u. Très bien. Al-mudarrisu radmanu. Énervé. On dira. Maryamu. Ah les frères, Allah, vous vous rendez compte? Il est 9h30. Ma famille. Il te demande de dire féminin. Al-Mudarisuna Ridabun. Naam, Ridabun, Ahsant. Al-Talibatu. Ah, comme il a dit le frère. Ah ouais. Imaginez-vous un dars comme ça. Pendant 7 mois comme ça. Ah, faut... Mettez-vous à ma place, hein, les frères. Faut du charrier, Allah. Allah ibarik fikoum, Allah. Ridabun. Ridabun. C'est quoi ça? Allah. Allah, musta'an, Allah. Youssouf Kaslanu. Là, il nous a mis directement, on dit Kusala au masculin, Al-Aulad Kusala, Al-Banat Kusala, ça c'est moi. Ah, ou tu diras Kasla. طيب إن شاء الله تأمل ما يلي لما يساوي لماذا طيب سيئن غايك بارك الله فيكم إذا دخل الحرف جر على اسم الاستفهام وجب حذف الألف regardez bien je vous dis là à la base le mot qui est devant nous c'était quoi لماذا طيب et le fait que le ما vous le voyez le ما ici ما استفهامية لما دخل الحرف جر يحذف الألف c'est à dire on supprime quoi le ألف. C'est pour ça qu'on dit lima. Le fumada, Inch'Allah. Vous avez compris là? Vous n'avez pas compris? Taïb. Mais les frères, il faut m'aider, hein, je vous promets. Hein, parce qu'il est 9h30, il fait froid. Non, non. Non, ça, je n'ai pas compris. Là. Parce qu'il n'y a pas un cours où y a personne n'a pas compris tout de suite. Tu vois? Et je vous promets, certains frères, ils répètent même pas. Il y a des postes, des workman, il avance. Maintenant, si tu n'as pas compris, parce que tu étais concentré. Mais regardez, tout à l'heure, c'est le frère. Là, c'est là. Faut qu'on craigne Allah, vraiment, les frères. Après, il y a des frères ici, mais alhamdoulilah, ils font des efforts. Il est pressé de rentrer chez lui. Il y en a peut-être, ils n'ont pas mangé encore. Il ne faut pas faire des choses comme ça. C'est simple, ça. Moi, je pensais, regardez. À la base, j'ai même pas voulu faire cours, je vous le dis. Je me suis dit, quoi, il est tard, le cheikh, il a pris du temps. Il dit, non, on va y aller quand même. Et à la fin, il est 9h30, on n'a même pas fini. Alors que tout ce qu'on est en train de faire, c'est un cours qu'on a déjà fait, les chiffres. Il y a juste Vanna, ça c'est Jawa, vous connaissez. Il y a juste ça. Taïb, Lima, Yusawi, Limada. Taïb, Lima, Kharashta, Min Alfash. Taïb, avant de dire ça, j'explique. Al-Ma, Huna, Al-Ma, l'istifhamiya. Il y a une règle, barakallahu fikoum. Taïb, إذا دخل علي ماذا الحرف الجر حفجر سيكوا حفجر سيكوا أنا إجزال دموع حفجر سيكوا الحفجر سي إلى الحفجر سيكوا للام إلي رنتخي دان كوا دان الماء استفهمية تسيبخيم له هذا فقط تبو دير لما طيب كما دان الماء ma, lima. Ça oui, en fait, tu as dit que lima, c'est égal à limada. T'as vu? Si tu me dis, dahabtu ila Mecca, qulak lima. Et c'est quoi? Il t'a dit, c'est l'équivalent de quoi? De limada. Vous avez compris ça? C'est ça qu'il t'a dit, c'est quoi? C'est sous la même force, c'est la même chose que si tu disais limada. T'as vu? Alors, lima, yusawi limada. Pourquoi on a supprimé l'alif ici à Wahbi? C'est bien ce que tu as dit. Mais ça va de quoi l'al-hafzjar? Bah, barakallahu fik. Lima kharajta min al-fas, tu dis. C'est quoi, il y a qui à côté là? A kharajta min al-fas, tu dis na'am. Lima. Lima darabta hada al-walad. A darabta hada al-walad na'am, lima. Ça y est, inshallah? اكتب الاسماء الاتية مجرورة ومنصوبة المرفوع المجرور المنصوب طيب ما شاء الله هنا في كوا لي 3 terminaisons المرفوع والمجرور والمنصوب ça ce sont les terminaisons de base le fond si on te demande علامة النصب الاصلية ما هي الفتحة علامة الرفع الاصلية الضمة نعم وعلامة الأصل من الجر الكسرة et ça il faut l'apprendre par cœur parce qu'après on va commencer maintenant à rentrer dans quoi dans les exceptions et on en a déjà vu dans quoi المثنى و الممنوع من الصرف le fond malin inshallah et par rapport au مرفوع qu'est-ce qu'on a vu الله أكبر personne n'a une langue ben les chiens vont finir demain inshallah قدر الله sinon c'est pas fini هنا Attends, tu vois, une seconde. Où t'es pressé?